perche par barbare d'essai sous ma barque Ismar. Car je me plais loin de cet arba. Je reste hip hop à l'écart des gens qui portent. Je crache dans l'anti pop, mon rap réveille les gens qui dorment. Je parle de vie, j'ai pas le sens de la compète. Ce à quoi j'aspire, ceux qui me ressentent le comprennent. Je parle pour qu'on avance, mais c'est navrant, ça serait trop beau. D'humaniser tous ces robots pour une constance de conscience universelle. Y'a urgence, faut qu'on se lance car l'univers saigne. Développe ton âme, lâche ton bigot. Cherche dans ton crâne avant que le vide s'installe comme dans ton frigo. Je te le direct dis, faut qu'on s'estime. Lâche ton esprit, cultive ton esprit. Alma de nid, alma de nid.